Bien alors, Katharina, donc peut-être que tu peux nous dire, expliquer un peu finalement quels ont été vos choix d'écriture ou de réinterprétation, pour reprendre le terme que j'utilisais tout à l'heure, de cette archive faite il y a, cette réinterprétation faite il y a 2 ans, donc qui est-ce qu'on vient de voir là? On peut allumer un peu plus, s'il vous plaît, c'est possible? Je pense que c'est... ça vient doucement. C'est des lampes basse tension un peu anciennes. Alors on n'intervient pas, d'accord. Mais elles vont... Ok. Mais la vidéo aussi s'éteignait de temps en temps, et puis elle devenait... Oui, tout à fait, il y a des effets de vague, là, propres au vidéoprojecteur. On est désolé, effectivement, non, non. La projection... L'écran, c'était pas mal que ça ondule, mais la lumière baissait, et puis... Oui, la luminosité. La luminosité, en général, pour les personnes qui ne connaissent pas la vidéo, elle est beaucoup plus lumineuse, hein, en général. Bon, alors, donc, les choix d'écriture, tu dis à Alain. Eh bien, on s'est retrouvé devant une matière brute. Si vous voulez, les images ont été ont survécu et sont visibles pour une raison technique, je pense, assez simple, qui est qu'il y avait de l'éclairage, que nous avions travaillé sur l'éclairage. Il y avait un éclairage théâtral, donc c'était éclairé. C'est-à-dire, nous étions éclairés dans cet espace. Je suppose que si c'était dans une autre situation, ça n'aurait pas eu ce contraste que la matière initiale a. Donc, maintenant, on se trouvait donc devant cette matière pleine donc de ces arrêts, de ces bruits, de ces parce que chaque fois qu'on mettait en marche le magnétoscope, ça faisait ce schlac et puis tout partait et puis et pendant un moment, on discutait avec Maria, on n'était pas entièrement d'accord. L'une voulait éliminer tout ça et reconstituer la vidéo comme on aurait aimé qu'elle soit, comme on l'avait imaginé à l'époque, et l'autre qui insistait que c'est très bien ça et qu'il faut intégrer ça parce que ça peut faire un effet d'écriture, etc. Et finalement, nous avons navigué là-dedans, hein, donc en remontant et en accentuant d'ailleurs en fait les entre guillemets défauts, qui deviennent quand même un élément plastique très intéressant et qui apporte justement une violence à l'image qui nous intéressait beaucoup. Cette décomposition de l'image et puis sa matière granulaire, etc. Donc on a exploité aussi le son, donc on a gardé le son parce que vous voyez tout ce son qui se passe, et parce que la... le théâtre était près d'une, je sais pas, c'est une autoroute, enfin c'est un bruit de route, quoi, de voiture. Et ça aussi, ça nous plaisait parce que ça apportait une dynamique. On n'avait pas souvenir de tant de bruit. On pensait que c'était dans le silence, non. Il y avait ce bruit et comme l'enregistrement le faisait ressortir, on l'a également accentué et gardé. Et puis évidemment, on est intervenu sur les durées des choses. Ma partie à moi à la fin, elle est très longue sur la vidéo. Elle dure, je ne sais pas, un quart d'heure, que celle-là, parce qu'il m'avait filmé très, très... j'étais la dernière action. Les autres avaient, parce qu'on arrêtait chacun ses actions quand on n'en pouvait plus. Et bon, moi, j'ai duré le maximum. Et donc, j'étais la seule personne à filmer, en fait. Et donc, il m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup filmé. Ça crée une sorte de déséquilibre. Donc, on a gardé le fait que cette action ait pu développer parce qu'on avait le plus de matière, mais en même temps, on l'a beaucoup, beaucoup réduite par rapport à sa durée dans l'enregistrement. Voilà. Je sais pas. Est-ce que je réponds? La matière dont vous disposiez, elle était de quelle durée à peu près? C'est un ensemble des rushs? Ça devait faire... aux alentours de 30 minutes. Je me souviens pas très bien, Hélène. Oui, c'est ça. Mais je pense que ça faisait aux alentours de 30 minutes. Donc il y a du montage, hein, là-dedans. Mm-hmm. Il y a des choix, il y a du montage. Et dans un premier temps, donc, on a uniquement monté la vidéo. Et puis on y réfléchissait et tout ça. Et dans un deuxième temps, parce qu'on a mis quand même un an, hein, pour le monter, avec les distances, dans un deuxième temps, on a rajouté les photos. Parce qu'on voulait jouer sur cet effet des espaces vides. Et puis, on a donné aussi quelques informations de texte, quoi, pour situer un peu la chose. Donc, Et cette idée aussi de commencer par un silence, par quelque chose qui est techniquement silencieux, et puis de faire entrer le bruit. On va poser évidemment d'autres questions, mais moi j'ai envie vraiment tout de suite d'insister sur l'importance de cette grande vidéo. Enfin, moi quand je l'ai découverte, donc Pascal, on travaillait monté donc en 2012, ça a été un véritable choc, puisque je trouve finalement que d'une certaine manière ça contribue potentiellement, me semble-t-il, mais je lance la question aussi à toute l'Assemblée, à réécrire potentiellement l'histoire même de la vidéo des premiers temps en France et de l'art vidéo en particulier. C'est-à-dire que quand on a tendance, quand on parle de l'histoire de la vidéo, déjà à la réduire, ça c'est presque un des points de départ de ce séminaire, malheureusement à la réduire à l'art vidéo, à sectoriser vraiment et à finalement dans ce domaine et à considérer que l'art vidéo c'est l'institutionnalisation du média dans le sens là évidemment qu'en donne André Gaudreau. Mais si on suit ce raisonnement, cette vidéo, elle contribue singulièrement à renouveler vraiment l'histoire donc, de la vidéo des premiers temps et de l'art vidéo en France, puisque c'est vraiment un exemple flagrant d'une des orientations traditionnelles de l'art vidéo, à savoir les performances filmées. Et c'est extrêmement peu connu, finalement, ce type de travaux en France. Il en existe relativement peu. On peut penser, bien sûr, quand même aux performances filmées de Gina Pan, de Michel Journiac, d'Orlan, ou encore peut-être du côté de certaines féministes comme Delphine Seyrig et Carole Rousseau-Claux, ce Scum Manifesto, dont on a déjà parlé dans le cadre du séminaire, peut-être Inès aussi évidemment de Delphine Seyrig, donc on a quand même quelques exemples, mais c'est totalement occulté de l'histoire, et là je dirais même de l'art vidéo, c'est très très très peu mentionné dans les histoires qui en sont faites, et c'était très peu présent, là je me tourne vers Étienne Sandrin, très peu présent malheureusement dans les collections même de musées comme le Centre Pompidou. Comment elle renvoie la balle? Vraiment à renouveler ces regards et cette écriture. D'accord, moi j'ai quelque chose à dire là, parce qu'il y avait effectivement un clivage à l'époque entre l'art vidéo qui était considéré comme un travail d'artiste sur le médium, c'était un peu parallèle au cinéma expérimental, évidemment, en liaison avec l'immatérialité de la vidéo. Mais donc, tu avais d'un côté les artistes qui travaillaient sur le médium, n'est-ce pas ? Et de l'autre côté, tu avais des artistes qui faisaient des performances et qui se les faisaient documenter par des espèces de documents, n'est-ce pas, mais qui n'avaient pas une visée artistique dans le sens d'une œuvre, qui n'étaient pas des œuvres. Donc, les artistes corporels les appelaient des constats, d'accord. Donc, dans leur logique sociologique. Bon, et ils insistaient d'ailleurs aussi énormément sur cette mythique objectivité, neutralité, etc. Donc, tu avais une caméra qui était plantée en face. Et qui vidéo noir et blanc et qui enregistrait autant que possible ce qui se passait en face. Bon, alors c'est pour ça que tu as ça, c'est-à-dire quand les collections du Centre Pompidou se créent, au milieu des années 70, tu as d'un côté le cinéma expérimental, tu as de l'autre côté donc l'art vidéo, n'est-ce pas ? Bon, pour le Centre Pompidou américain bien entendu, mais tu as deux choses, deux champs qui se développent dans une relation directe au médium et qui sont signés par des artistes donc, qui adoptent cette attitude. Alors, à l'époque, je me souviens, Gina Pan avait réalisé un film, Solitrack, qui n'était pas du tout un constat d'action, qui fait partie des collections du Centre Pompidou, qui a fait très tôt partie des collections du Centre. Mais de l'autre côté, les constats, c'était une autre affaire. N'est-ce pas ? Ça rentrait pas. Et elles n'étaient pas signées par Journiac et par Gina Pan, les constats. D'ailleurs, c'est une longue discussion, ça, ce que c'était exactement. Gina Pan et Journiac signaient leurs photos, les photos qu'ils faisaient après, qui étaient vendues, qui entraient dans le circuit, etc. Mais pas forcément ces constats. En tous les cas, dans cette période-là. D'accord. C'est pour ça que tu avais ça. D'accord. Alors, nous, on est un cas très très particulier parce que d'un côté, nous réalisons une action qui a certains points communs avec l'art corporel, même si il y a de façon sous-jacente pas mal de critiques aussi envers l'art corporel. On pourrait en parler. D'un côté, il y a ça. Nous demandons un enregistrement, mais nous n'avons pas l'intention de faire une œuvre du tout. Donc, mais nous, nous sommes archivistes, et donc nous voulons pour nos archives aussi ça. Ben, c'est tout. Et de l'autre côté, nous faisons nos films, que nous signons, qui sont notre œuvre. Et nous sommes engagés donc dans une recherche plastique, cinématographique, etc., que nous assumons et qui est notre... Donc, si tu veux, ça, c'est très intéressant ce qui se passe, parce que ça réapparaît, je ne sais plus combien d'années plus tard, et là, nous voyons en ça un objet intéressant pour en faire une œuvre, en fait, et que nous signons. Voilà. Donc, c'est un objet très, très particulier et étrange, je pense. Je pense que c'est très important, effectivement, de faire la différence entre les constats vidéo et puis, quand même, des œuvres vidéo qui ont pu être faites par des performeurs, par exemple, quand même, Marina Abramovic à la Coulée, ou Thibaut Panchi, quand ils tournent leur performance. Là, ils les tournent volontairement à destination de la caméra, et là, c'est quand même pour faire leur œuvre avant tout. Oui. Il n'y a pas nécessairement de public. Donc là, je pense que dans cette tendance, effectivement, des performances filmées, tu as un peu deux orientations, et parfois, c'est pas forcément très très clair la distinction entre les deux. Entre les performances finalement destinées enfin, à être avant tout éphémères et à se dérouler devant un public et qui peuvent quand même faire l'objet de constats vidéo, éventuellement dans le montage, d'ailleurs parfois quasiment instantané quand même, puisque c'est le cas de beaucoup d'actions filmées par Carole Roussopoulos de Gina Pan, qui font immédiatement l'objet de faire un montage, et puis effectivement des constats vidéo d'actions qui aujourd'hui encore sont éventuellement dans les cas des greniers, et là je pense aux travaux notamment d'Esther Ferrer. C'est comme ça, les vidéos sont encore dans les cartons. Je pense effectivement que là, il y a effectivement des pratiques qui sont à distinguer. Et là, vous rebattez les cartes d'une certaine manière avec ce travail. En tout cas, ce courant a bien existé en France. C'est un peu aussi le sens de ma remarque, puisque c'est quelque chose qu'on connaît beaucoup moins par rapport aux productions états-uniennes qui font l'objet. Oui. Les principales discussions. Tout le monde vous lance ça. On oublie ses corpus. Il y a des choses qui me semblent intéressantes aussi dans le film qu'on vient de voir, c'est de comment dire la une autre qualification de l'action d'arpenter, par exemple ce qu'on voit à l'intérieur quand vous arpentez à l'intérieur quand les gens tournent en rond, c'est des choses qui ont été faites également par Bruce Nauman, par Beckett. Mais qui n'avait pas du tout cette force politique, cette force affirmative politique, qui était plutôt de l'ordre du champ de l'esthétique, de l'exploration, soit d'un médium, soit du cadre, soit de l'atelier, mais qui n'avait pas du tout cette puissance et cette direction, cette affirmation politique. Voilà, c'est tout ce que je voulais. Merci.